KFAI is starting a vehicle donation program. Several of you thoughtful listeners have asked about donating your car, boat, or motorcycle to benefit KFAI. Now you can. Donating your old vehicle to community radio means a tax deduction for you. And we use the proceeds to support the programs you love. To donate your vehicle, go to KFAI.org. Or call 855-277-2346. KFAI, listener-supported radio. Vous êtes à l'écoute de Fraîcheur Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, et 106.7 FM, Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, 106.7 FM in St. Paul, Radio Without Boundaries. Bonjour, Caril. Ah, bonsoir. Bonsoir, hola. Et bonsoir, tout le monde. Donc, ce soir, vous allez avoir un programme assez chargé. Nous allons avoir un membre de l'orchestre de Dan Newton. Dan Newton et le Café Accordion Orchestra. Je crois que ça va être Erich Moring. Moring, oui. Ben. Et nous avons encore une petite annonce. Programming is supported by Ampers and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at ampers.org. Ampers features hundreds of performances by Minnesota jazz, rock, Americana, and classical acts. Information and audio at ampers.org. Ampers, diverse radio for Minnesota's communities. I'm Carol. And I'm Olaf. And you're listening to Bonjour Minnesota, bringing you music from France and French-speaking countries. And tonight, later on, after they get through playing their gig over at, where is it, Loring Pasta Bar. Loring Pasta Bar, yes. Yes. We are going to have some visitors, maybe one, maybe two, from Dan Newton's Café Accordion Orchestra. And we will also be giving away a pair of tickets, which will be for their upcoming lancing of their CD that just is out, called La Zingara, The Gypsy. A brand new CD that's going to be on January 12th at the Cedar Cultural Center. Alors. And what's more? And what's more? There's more. Actually, it's a joint, not a joint venture, but at least the Alliance Française is involved in this, and what they have at the Cedar is they will be giving out Les Galettes des Rois. Ah. So if you come early, so to be sure that you get a part of this. And the Galette des Rois, which of course was last Sunday, the La Fête des Rois was last Sunday, mm-hmm. But what the tradition is that you eat a cake, in which there is, in the old days, there was a fève, a bean, and then things became more and more modernized, so then there were little porcelain figures. Mm. But I think too many people broke their teeth, so now they only put them in when you actually request this. But I hope that the Galette des Rois on the 12th will actually have a fève or something in it, so then you can possibly become king or queen. Oh, then you may become king and wear the golden crown. Golden crown, exactly. Ouais. Ben, on va jouer deux chansons par Dan Newton et Café Accordion Orchestra du dernier album qui s'appelle Berets and Bongos. D'abord, Destiné. C'est un numéro de swing. Et ça va être suivi par une valse Songe d'automne. These were two samples from Dan Newton's recent CD, Café Accordéon Orchestra, in the bongos and beret and bongos. So, what is this? French beret, and the bongo is a South American instrument. Well, anyway, and you heard Songe d'automne by Archibald Joyce and Destinée by Roman. And I think in there you heard the mandolin of Everick Mooring, and of course the accordion and so on, but that mandolin really comes through, and I hope he's the one who's coming later on. Anyways, you heard these two songs by from the CD by Dan Newton. And we'll go. I hope to continue some of the short while the discussion about oysters that we started the last time. So I hope this time we'll be able to get to the right cut and get you the last part of the CD. Basically, it comes as a program that is called La Danse des Mots. C'est une émission présentée par Yvan Amar. Et puis, il dit, les mises en scène du langage, le français sur Internet, l'évolution de l'orthographe, le camfranglais qu'on parle au Cameroun et même ailleurs, l'explosion de la littérature francophone tout autour du monde. Il s'interroge sur la langue, n'est pas seulement une curiosité, et Guy, c'est un révélateur du monde où nous vivons. So, he says, he is directing a program that's called the Dance of the Worlds. And it's, all the new things that have come in, the French on the Internet, the evolution of orthography, the what they call the camfranglais, so which is spoken in Cameroon. Well, we know about the franglais, which is the French-English, but here we have camfranglais. This is Cameroon, and Cameroon, of course, there are two parts of Cameroon. One is English, was under English rule, the other one under French rule. So they have both. If you in Cameroon, you speak camfranglais. And the explosion of the literature, French-speaking literature, all over the world. So this is why Yvan Amar, as a member of RFI, why he looks at various words, at various situations. And the last month when we started to talk about vitre, and he will go on with the discussion. He has as his partner Philippe Pessac, who is an écaillé at the restaurant Le Plaire on Place Clichy. And non, c'est celui qui ouvre les huîtres. The écaillère, écaillée, is the one who opens the the oysters and other fruits de mer. The écailleur is the instrument with which he sticks into the and opens it. Yes, and écaille, of course, that is the lids that the bivalve mollusks have to close, and I mean that those are the shells, the really. Shell. Mm-hmm. And écaille coquille is this, that's the those are the shells of mussels. Now, Philippe Pézac, who is at this restaurant, he is an écaillé, but he is also raise oysters. That is un parc ostéricole, and the person who breeds them, who grows them, is an ostéiculteur, just like an agriculteur. He is an ostréiculteur. So here are a few words that you can chew on while you listen to the discussion. Mais d'abord, une petite annonce. Do you like the promos you hear during KFAI programming? Ever wonder how they're made? Would you like to get involved? Join KFAI's Cart Crew in Studio One every Wednesday, 7 to 9 p.m., or on Saturdays, 3 to 5 p.m. For more information, please contact Program Director Miguel Vargas at miguelvargas@kfai.org or at 612-341-3144, extension 20. Elle est bien grasse, c'est-à-dire que d'abord elle est relativement charnue, on a de quoi manger, et puis elle s'étale un peu, enfin ça c'est une texture très spéciale, c'est parlant quand on dit qu'une huître est grasse. Voilà, mais là vous avez eu raison de dire qu'elle est charnue, elle est soit charnue, et dans ce cas-là c'est donc quand elles sont bien charnues ce sont les spéciales. Et après, il y a aussi une période de l'année où elle est en période de laitance, c'est-à-dire la période de reproduction. Et là, ce n'est pas toute la partie de l'huître, mais c'est juste une poche qu'on trouve sur un côté où vous allez avoir les gamètes mâles ou les gamètes femelles selon qu'elle est mâle. C'est ça la laitance, en fait. C'est ce qui sert à se reproduire. C'est les gamètes mâles ou gamètes femelles, c'est les spermatozoïdes. Ou... J'allais dire, oui, c'est du sperme d'huître, voilà. la laitance. Si c'est une huître mâle. On voit bien que je ne suis pas un spécialiste, hein, parce que je ne me hasarderais pas à dire ça. Devant une assemblée scientifique. Mais en gros, c'est ça la fonction. Oui, mais c'est ça la fonction, c'est ça. C'est ça. La laitance, c'est vraiment les gamètes, oui, les gamètes mâles ou les gamètes femelles. Ouais. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été. Depuis s'en est allé, on a rangé les vacances dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine, tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant, je suis en peine de quitter la mer et ma maison. La danse des mots, Yvan Amar. Philippe Pézac, celui qui cultive les huîtres, c'est un ostréiculteur. Voilà, exactement. Ce qui veut dire que... Ah oui, on est ostréiculteur de père en fils dans votre famille ? Et moi, malheureusement, je me suis plus orienté sur des études parce que je trouvais que c'était un métier très difficile, quoi. Et après, je suis revenu à mes amours. Qu'est-ce que je... Ah oui, vous êtes quand même pas très très loin de l'huître, même si vous n'êtes pas vous-même ostréiculteur. Mais on parle vraiment d'une culture comme si c'était une culture terrienne, presque. Ah oui, parce qu'en fait, faut savoir qu'un ostréiculteur qui va être éleveur, expéditeur, il doit avoir toutes les années une huître. Il faut savoir qu'une huître, il faut 36 mois, entre 3 et 4 ans pour être commercialisable au jour d'aujourd'hui. Sinon, elle est trop petite. Ben sinon, elle est trop petite, oui. Voilà quoi. Alors, on n'est pas vraiment berger des huîtres, mais un ostréiculteur, il veille sur ses huîtres. Comment les élève-t-il? Est-ce qu'on dit déjà élever des huîtres? Parce qu'on parle d'élevage plus, pour des moutons, par exemple. Non, mais bien sûr, oui, un ostréiculteur, il élève ses huîtres, bien sûr. En quoi ça consiste, élever des huîtres? Mais justement, voilà, c'est déjà d'arriver à avoir, comme vous disiez tout à l'heure, on en parlait des gamètes. Donc quand il y a la période de reproduction, il faut déjà ce qu'on a, on arrive au captage. Qu'est-ce que c'est ça, le captage? On parle du captage du naissin. Les naissins, ce sont donc les larves d'huîtres. Donc justement, quand dans la mer, la laitance s'échappe du mâle ou de la femelle, on a des larves qui se créent. Et ce naissin, il faut qu'il soit capté. Capté, donc ça veut dire qu'il lui faut des supports. Il lui faut un support. Parce qu'au début, la larve, elle n'a pas de coquille. Enfin, elle a quelque chose pour se coller. Mais elle n'est pas, quand elle est en millimètre. Bébé, quoi, toute petite, quoi. Ce qui veut dire que l'huître secrète, va former sa coquille elle-même. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, elle va se coller contre un support, et après, elle va grandir, et à partir de là, la coquille va se former. Et on arrive, nous, à aller voir, je pense qu'elle doit avoir un mois ou deux mois, quand on voit vraiment des tout petits points, et après, on voit des toutes petites coquilles. Et alors, ça se vend par combien? Très souvent, on parle de la douzaine d'huîtres. Et même, on dit parfois 13 à la douzaine. Ça vous est arrivé, vous, de vendre 13 à la douzaine? C'est-à-dire, vous m'en achetez 12, je vous en mets une 13e comme bonus. Bien sûr, nous, la particularité qu'on a, c'est qu'on les ouvre pour les clients. C'est-à-dire qu'en fait, on est une brasserie, donc on travaille aussi au restaurant. Mais pour nos clients qui préfèrent les emporter, quand on leur ouvre, on leur en met 12 parce qu'on est sûr que les 12 vont être bien, étant donné qu'on les a ouvertes. Quand on leur vend fermé, on a tendance à en mettre une 13e parce qu'on au cas où. Au cas où. Ouais, imaginez, vous êtes deux, vous avez un invité, vous êtes deux, vous prenez 6 huîtres et il y en a une qui n'est pas bonne, il ne vous en reste que 11. Ça ne vous en fait que 5 pour vous, c'est dommage quand même. Ah oui, ça c'est vraiment dommage. Mais par contre, si les 13 sont bonnes, c'est tout bénef. C'est tout bénef pour vous. Donc on les vend par 12, par 6, parfois. Par 100 aussi, on dit un 100 d'huîtres. Oui, un 100 d'huîtres, oui. 8 douzaines, un 100 d'huîtres, ouais, les gens. C'est-à-dire une centaine. Une centaine, voilà, c'est ça, ouais. Alors, très souvent, les huîtres, pour les transporter, on les met dans une espèce de petite cuve en bois qui a un nom particulier. Oui, selon les endroits, il y a des gens qui vont appeler ça un cajot ou alors une bourriche. J'aime mieux la bourriche. C'est pas que le mot bourriche me plaise plus qu'un autre, mais j'ai l'impression que c'est plus spécifique parce qu'un cajot, quand on fait les vendanges par exemple, on met les raisins dans des cajots. On les met pas dans des bourriches. Et le mot de bourriche, je ne l'ai jamais entendu que pour des huîtres. Non, mais voilà, le terme le plus générique, c'est plus bourriche d'huîtres ou panier d'huîtres. Ah oui, panier, c'est vrai. Ouais. Entre guillemets, c'est comme les chocolatines ou les pains au chocolat. Ça a quelle forme une bourriche? Ça peut être carré, rectangulaire, parce que vous avez après tous les colisages. On part de 2 douzaines d'huîtres qui peuvent être dans un tout petit panier rectangulaire. On monte à 4 douzaines, à 8 douzaines, à 16 douzaines. Vous pouvez avoir, selon les. Après, vous pouvez avoir 250 pièces dans une bourriche, voire 300 si c'est des toutes petites, quoi. Donc après, ça fait des gros paniers de 15. Il y a une législation aussi pour ça. On doit avoir un nombre d'huîtres selon la grosseur dans le panier, selon le poids auquel il a été affecté. Et c'est là qu'on parle du colisage. Dans quel genre de colis on va mettre tout ça, c'est ça? Voilà, exactement. Alors évidemment, la question qui vient tout de suite, parce que l'huître, ça fait rêver. Est-ce que vous avez déjà trouvé des perles ou la question est-elle trop niaise? Non, la question n'est pas niaise. Alors, nous, on en trouve des perles, mais malheureusement, pour nous, ce ne sont pas les perles des huîtres perlières. Nous, les perles qu'on trouve, elles ont souvent des impuretés ou des imperfections, elles ne sont pas rondes, et surtout, elles sont toutes, toutes petites, quoi. Et alors, qu'est-ce que c'est que les perles qu'on trouve dans les huîtres, en fait? Elle a une impureté à l'intérieur d'elle, et elle crée une protection. C'est comme si on avait un petit morceau de fer, nous, à l'intérieur, qui ne pouvait pas bouger, et qu'on a besoin de se protéger. Et donc, elle crée la nacre. Elle crée la nacre, elle a. Donc c'est pour isoler l'impureté d'une certaine façon, pour que l'impureté ne soit pas contagieuse. Voilà, pour qu'elle ne lui procure pas de problème, je pense, oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'avec les huîtres perlières, je ne sais pas si vous avez déjà lu des reportages ou vu des reportages, mais il vient inoculer quelque chose à l'endroit où ça va permettre à l'huître de se défendre et donc de faire une perle qui va être magnifique, comme les perles de Tahiti ou. Donc c'est pas vraiment du gavage d'huître, mais ça veut dire qu'on met quelque chose à l'intérieur de l'huître qui va la déranger pour qu'elle secrète un produit autour de ce qui vient s'établir là où il ne devrait pas être. Voilà, c'est ça, oui, exactement. Mmh. Votre spécialité, c'est les huîtres, mais j'imagine que vous y connaissez quand même un petit peu en fruits de mer. All right, you, do we have an announcement to make? Yes. Yeah, why don't you do that first, and then we'll go ahead. Programming on KFAI is brought to you by Southside Pride, a monthly newspaper locally owned and operated in South Minneapolis. Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the Southside and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and Cedar Riverside neighborhoods and more. More information is available at southsidepride.com. All right, you heard the one part of the discussion about oysters. And especially you heard how they are being treated, how oysters, embryo oysters or very small oysters don't have a shell, of course. So they have some glue, and they glue onto something and then hope that they won't be eaten up by fish or whoever else eats these things. And then with time, they develop very minuscule small shells. And it takes about 2 to 3 years before the oyster is ready to be consumed. And when she has is bien charnue, meaning that she has good flesh or whatever you call that. People often in France say elle est grasse, she is fat, but the Monsieur Pézac was absolutely against it. He said oysters are not fat. It's about the nicest fat-free dinner that you can have. So, and then you heard a band in the klezmer Arab kind style about the moule, moule, moule, and everyone laughed. And now we'll go ahead and talk. They will talk about the fruit de mer, which is more than only the oysters. Voilà un terme qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on appelle un fruit de mer? Ce sont les coquillages, les crustacés, tout ce qui est crustacé. Alors, quelle est la différence entre coquillages et crustacés? Voilà un binôme, voilà deux mots qui ont été rendus célèbres, en particulier par une chanson de Brigitte Bardot. Et après, quand on vous demande quelle est la différence entre coquillages et crustacés, qu'est-ce que vous dites? Ils vivent tous dans la mer, ça on est bien d'accord. Les coquillages, ce sont des animaux qui ont des coquilles. Et après... Donc les principaux, alors revenez un petit peu, parce que ça fait rêver aussi. Les palourdes, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un petit bivalve encore. Encore un filtreur, qui a un goût très très iodé. Donc on va trouver ça en Bretagne, un peu plus dans le sud aussi, dans le sud-ouest. C'est très particulier, c'est très fin en bouche. Et la palourde n'est pas la praire. La palourde n'est pas la praire. Alors la palourde serait plus foncée, plus assez foncée, grisâtre, alors que la praire est striée et blanche, beige blanche d'extérieur. Avec un goût très différent. Moi, je préfère beaucoup la praire parce que je trouve que son goût fin me plaît plus que la palourde. La palourde a un goût bien iodé, bien particulier, assez fort. C'est plus âcre, peut-être. Voilà, moi ça me plaît moins, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des moules, peut-être. Les moules, oui. Alors nous, évidemment, vous avez les moules qu'on cuit, les petites moules qu'on cuit, les moules de bouchot, les moules de poche qu'on cuit. De bouchot, qu'est-ce que c'est? C'est également une origine? Oui. Les moules qu'on va vendre, on va les ouvrir, ce sont des moules crues, ce qu'on appelle l'appellation moules d'Espagne. Alors si on va chercher des fruits de mer un peu plus petits, mais vous allez me dire si ce sont vraiment des fruits de mer, je pense aux bigorneaux par exemple. Ah oui, les bigorneaux. Alors les bigorneaux, c'est un gastéropode. C'est ce qu'on appelle un escargot. Le gastéropode, c'est celui qui a l'estomac dans les talons, étymologiquement. Parce que gaster, c'est quand même l'estomac, et pod, c'est le pied. Après, c'est ça, c'est un escargot. Alors, en l'occurrence, lui, c'est un escargot de mer. C'est un des escargots de mer. Et comme le bulot, buxin, selon les appellations. C'est pareil, c'est plus gros le bulot. Le bulot est beaucoup plus gros. C'est sûr qu'on se nourrit plus avec une quinzaine de bulots qu'avec une quinzaine de bigorneaux. Ouais. Mais le buxin, je ne connais pas. Ben, le buxin, c'est une autre appellation du bulot, en fait. Ouais. Selon les origines, voilà. Ouais. Et qu'est-ce qu'on met d'autre sur un plateau de fruits de mer? Parce que très souvent, on commande justement le plateau de fruits de mer. Voilà, on met donc ce dont on a parlé, les huîtres, les coquillages, et après on vient rajouter des crustacés pour faire ce qu'on appelle un vrai plateau de fruits de mer. C'est, comme disait Madame Bardot, c'est coquillages et crustacés. Alors les crustacés, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas des coquillages, ils n'ont pas de coquilles, mais c'est plus soit un homard, soit une langoustine, une langouste peut-être. Les crevettes aussi sont des crustacés, c'est oui, ça? Voilà, c'est ça. Ils ont des carapaces. Et donc, ça se rapproche plus du poisson en goût, bien que chaque crustacé ait son goût particulier. Vous avez la langoustine qui va être très fine en bouche, qui est très bonne. Le tourteau qui va avoir un goût bien particulier. Ah, qu'est-ce que c'est que le tourteau? On est plus proche de crabe, là. Ah ben, le tourteau est un des crabes. Vous avez plein de sortes de crabes, et le tourteau, c'est celui que nous, on met le plus souvent dans les plateaux de fruits de mer, quoi. Ou alors après, vous pouvez aussi avoir des saisons, voir l'araignée de mer, qui est aussi un crustacé. Alors, qu'est-ce que c'est que l'araignée de mer? Ben, l'araignée de mer, c'est une sorte de bestiole qui ressemble qu'à des longues pattes, qui, c'est vrai que ça ressemble un peu à une araignée. Quand c'est la saison, c'est très plein et c'est vraiment fin. La chair qu'il y a dans les petites pinces là est très très très fine. Malheureusement, les gens ne connaissent pas vraiment, c'est un produit que les gens ne connaissent pas beaucoup. Et le homard, ce cardinal des mers, je dis ça parce que c'est une vieille blague, parce qu'on dit que le homard c'est rouge quand c'est cuit. Ah oui, ben en fait, c'est-à-dire que vous avez une pigmentation qui va perdre, le homard il va être très foncé, c'est marron foncé, et obligatoirement il va rougir parce qu'en fait la pigmentation en cuisson va partir. Donc après, c'est sûr qu'il devient tout rouge quand il est cuit. Alors un petit mot sur tout ce qui peut accompagner tout ça. Bon, ça se mange avec presque rien, mais on peut mettre quand même soit du citron, soit parfois un vinaigre particulier pour les huîtres par exemple. Alors pour les huîtres, moi je préconise de rien mettre, mais bien sûr je suis d'accord avec vous. Par exemple pour l'oursin, je vais mettre du citron parce que sinon le goût est trop fort pour moi, alors qu'avec du citron je trouve ça délicieux. Et on peut accommoder ça avec du vinaigre échalote. Donc un vinaigre de vin rouge normal et avec des petites échalotes qui vont donner un petit goût bien parti. Alors par contre là, ça va complètement déstructurer le goût, mais les saveurs, faut savoir aussi les changer de temps en temps. En mettre trop, c'est pas criminel de mettre du vinaigre, fut-il à l'échalote, avec des bonnes huîtres. Il faut pas que le vinaigre l'emporte sur le goût de l'huître, quoi. Ah ben pour moi, ça dénature complètement le goût, c'est certain. Je préconise pas, mais c'est un peu comme c'est la tradition, c'est vrai. Voilà. On va parler d'une viande, on va parler du magret de canard. Nous, on le mange, moi, je l'adore rosé, mais si quelqu'un veut le manger bien cuit, il a le droit quand même de vouloir le manger bien cuit. Ce qui est bien dommage en soi, mais c'est le goût de la personne après qui prévaut. Quoi. Les fruits de la mer disent les mystères qui reposent au fond des océans. Loin de nos regards, ils dansent, emportés par la cadence. Tout au fond de moi, je suis en émoi. Et je ne sais pas pourquoi. Well, you heard another excerpt from the interview, and basically what they were talking about, the main idea, what had to do with the fruits de mer, and what you often order in France is a plateau de fruits de mer, and it was discussed what's all on it. There are oysters on it, there are mussels on it, there is crab, and if you really go all the way, lobster. And so basically, Philippe Pessac talked about the various types of oysters and about various snails, their marine snails, all of which are part of this plateau de fruits de mer, and which you eat. And then, of course, he afterwards, they talked about the way whether, first of all, why a lobster becomes red when he or she is boiled and prepared. Well, he says normally it has a blackish, brownish pigment, which actually dissimulates him, which makes him less visible while they are kind of crouching around on the bottom of the sea. But then when you boil him, then the pigment is boiled out, and it becomes totally red. So that was that part, and now we'll finish off with a discussion of, oh yeah, they also said, what do you need, how do you eat the oysters? Well, you can drizzle a little bit of lemon on it, or some people do shallot and vinegar, but Monsieur Pessac says no, it will destroy the taste of the of the oyster. So now, but then in France you never stop with that. You also have to discuss what are you going to drink with the oyster. So we will hear that last little portion. Alors qu'est-ce qu'on boit avec tout ça? Parce que ça s'arrose quand même. Ah ben on boit un bon vin blanc, c'est jamais trop. Moi je suis très à ce niveau-là, je serais plutôt Meursault. Qu'est-ce que c'est que le Meursault? Ça vient d'où? Alors le Meursault c'est un bon vin blanc qui vient de Bourgogne, de la Côte d'Or. Et donc rien à voir comme origine avec les fruits de mer. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout un vin côtier. Ah non, mais c'est vrai que ça, beaucoup de fruits de mer s'allient avec des vins côtiers blancs et avec d'autres vins blancs de France. On a tellement de vins différents et d'arômes différents dans les vins que... Ouais. Mais un Bourgogne blanc, pour vous, c'est bien? Pour moi, c'est bien, mais après, pour quelqu'un qui voudrait un muscadet sur lit, par exemple... Alors... Souvent, on pense au muscadet, justement, avec les fruits de mer. Oui, voilà. Et ça, c'est un vin de Loire, non, le muscadet? Voilà, c'est un vin de Loire, c'est pas excessivement cher, et si vous le choisissez bien aussi, parce qu'il y a toujours des bons et des moins bons, mais il suffit pas de mettre beaucoup d'argent. Des fois, on peut trouver des bons petits vins de Loire, en l'occurrence, qui vont bien s'accommoder avec les fruits de mer, quoi. Et il y a même celui qu'on appelle l'entre-deux-mer. Alors, mais celui-là, il est, si je me trompe pas, je crois qu'il est sec. Non, il est pas demi-sec. Il a un goût assez spécifique aussi, oui. Et vous aimez plutôt des vins un petit peu plus doux pour accompagner les fruits de mer et les coquillages? Ben oui, je trouve que le fruit de mer peut avoir un goût fort. Donc, j'aime bien un vin qui va être à la fois profond, mais qui va être aussi doux en bouche pour stabiliser le plaisir. Philippe Pézac, un dernier mot sur cette vieille tradition qui voudrait qu'on ne mange des huîtres que dans les mois en air. Est-ce que c'est vrai ça? C'est-à-dire que ça commencerait en septembre pour se terminer en avril? Ben non, malheureusement c'est plus... Enfin non, heureusement plutôt. Heureusement c'est plus le cas. C'est-à-dire que les gens croient vraiment que la période des huîtres c'est du mois de septembre au mois d'avril. Mais en l'occurrence, non, on peut manger des huîtres toute l'année maintenant. Pourquoi maintenant? Avant, c'était pas comme ça? Ben non, parce qu'avant, si vous voulez, il n'y avait pas les camions frigorifiques, il n'y avait pas les normes de sécurité au niveau du transport pour garder les produits le plus frais possible. Et ça date, enfin, c'est moins en air, ça date de la période où encore les huîtres arrivaient à cheval dans des carrosses ou dans des calèches. Alors après, c'est plus si au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire du mois de juin, comme je vous en parle. Parlé tout à l'heure du mois de juin au mois d'août, c'est la reproduction. Mmh. Et là, pendant la période de laitance, la poche dont je vous parlais tout à l'heure, elle donne un goût quand même assez très amer à l'huître, complètement différent du reste de l'année. Donc c'est pas exactement le même goût quand même pour les huîtres d'été et pour les huîtres d'hiver. Ah non, voilà, ça c'est sûr. C'est sûr que l'été, quand on mange une huître laiteuse, moi je vous avouerai que même quand on est vraiment laiteux, je peux pas la manger parce que c'est vraiment on appelle la laitance. Quand vous croquez, ça explose, ça fait comme du lait en bouche, mais c'est un goût très amer. Donc quand on n'est pas habitué, c'est sûr qu'on peut ne pas aimer. Donc il vaut quand même mieux profiter du mois de décembre, voire du mois de janvier, pour manger des huîtres. Faut en manger le plus souvent possible. C'est un aliment très, très diététique. Et Bah écoutez, Philippe Pézac, merci infiniment de nous avoir reçus. Et merci d'avoir été l'hôte de La Danse des Mots, qui est une émission proposée par RFI et par le Centre National de Documentation Pédagogique. Lucie Bouteloup, Éléonore Krenik, Véronique Durand. Well, now you heard the last portion of the program about oysters. And now you know everything you want to know about oysters. First of all, what are you? What should you one drink with it? And Monsieur Pessac thinks a Meursault is a white wine from the Bourgogne, from the Côte d'Or, is good. Muscadet is a wine, white wine from the Loire region, and then there's a wine entre deux mers that's between the Loire et the, what is the other one, Garonne? No, no, not the Loire, I mean, the, it's between Bordeaux, between the two, the between, it's between the embouchure de la Garonne, je pense. La Garonne, oui. Yeah, and the ocean on the other side, and so this is entre deux mers because the embouchure is the bay of the Garonne is almost like a sea. Anyway, so but he likes to have a Muscadet, and he likes to have a slightly sweet wine with his oysters. And then the last question had to do with what about the old adage saying you can only eat these oysters and mussels in the month that have an R in them. So meaning from September to April, which is, I mean, if you have oysters every month, I mean, that's a pretty good period. But anyway, and so that was an old rule that dates from the time when oysters were brought in by carriage or by on horseback or whatever. And now they have refrigerated transport, and you can eat them almost any time during the year, except in the summer. They have their reproductive period, and then they don't taste as good as in the month with R. And anyway, now we are in janvier, in January, so take the advantage and get your oysters. And in the Twin Cities, there are several places that oysters are being flown in, sent practically flown in from either coast, and you'll just find it. And they right now are actually very, very good. Mm. Merci, Olaf. If you've just tuned in, I'd like to remind our audience that about 9:30, we will have a special guest. We think it's going to be Eric Mooring of Dan Newton's Cafe Accordion Orchestra. They are playing right now, so they won't be able to come in until that time. They're going to open a wonderful program at the Cedar Cultural Center on January 12th with in connection with the Alliance Française for La Fête des Rois. So you should be there a little early. Maybe you can get a slice of the galette cake, and if you're lucky, you'll get the right piece of cake and you'll be declared the king of the or the queen. Dan Newton and his Cafe Accordion Orchestra is very well known, and their new album is called Zingara. Is that right, Ola? Yes. Zingara. Gypsy in Italian. So we're hoping that he'll bring it along so we can hear. Also, we'll have a giveaway for a pair of tickets later on to the show with Dan Newton and the Cafe Accordion Orchestra, plus the big event with the Alliance Française. All right, so... Tu voulais ajouter quelque chose? No, I mean, just make sure that you get there early so that before the cake is gone, I mean, because that's a That'll big attraction, yes. Right. That's on the 12th. Let's see, is that this coming Saturday? It's yes, it is. This coming Saturday, yes. Coming Saturday. And the custom in France, of course, is you drink champagne when you have this galette. Ah. And when you find the fève or the little porcelain figure, then instead of pointing at someone saying, this is my, I mean, if you're a king, you have to choose a queen. If you're a queen, you have to choose a king. And instead of pointing your finger at someone saying, this is my queen, you go up there and drop your fève or you drop your little porcelain thing that you had in your mouth before into their champagne glass. So, but still, it's a very nice That's custom. Fun. Oui. Et maintenant, on va écouter de la musique assez moderne. C'est nouvelle, de la musique qui vient... Chez Olaf, avec de RFI, on va écouter Céline Mastroelli, et elle va vous chanter T'oublie ou Not T'oublie. C'est une chanson qu'elle a écrite elle-même. She's a, mon Dieu, en anglais. Elle est une jeune femme moderne qui compose et chante ses propres chansons. Elle chante et partage ses émotions avec Joseph Danvers, qui est, on peut entendre ici à ce disque. Et ça va être suivi par un groupe qui s'appelle Chansons plus biflorées, drôle de nom. Et la chanson s'appelle Interrogation écrite. Alors, ce groupe existe depuis 25 ans et depuis ce temps, ils font rire aux éclats, les grands et les petits aussi. La recette est simple, changer les paroles des chansons célèbres. C'était un des frères Jacques qui les a nommés les petits frères des frères Jacques. Voilà, Céline Mastroelli. T'as le droit de dire oui, t'as le droit de dire non. Si tu veux, mais à quoi bon? Le passé, c'est pas une solution. Alors, ce serait donc un problème. Oui, puis ça me passera avant que ça te reprenne. Ça m'étonnerait. J'insiste qu'à cela ne tienne. Telle la question. T'oublies en moi, t'oublies pas. J'expire chaque jour un peu toi. Mais la question. T'oublies en moi, t'oublies pas. C'est l'avenir qui règne. Toi tu veux que je capitule, mais tu vas me trouver ridicule. Bon alors, tu le veux, ta réponse. Vas-y, fonce. Fais-moi la bande annonce. Tu vois tes sourcils se froncent. Je crois qu'il vaudrait mieux. N'oublie pas, j'expire chaque jour un peu toi. Mais la question, t'oublies, Anna, t'oublies pas, c'est l'avenir qui répondra. Sachant qu'un train quitte Rome à 17h23, qu'à 17h40 un autre part de Pise. Quand vont-ils se croiser? Quand vont-ils se croiser? Étant à mi-distance à 18h33, et où s'arrêteront-ils en cas de grève surprise? Sachant qu'un paysan qui s'en va au marché retranche de francs 50 chaque fois qu'il les ajoute. Et dites combien de choux-fleurs, dites combien de choux-fleurs ne seront pas vendus au prix qu'ils ont coûté. Et combien d'artichauts finiront sur les routes. Sachant que le terrain cédé par la commune a triplé de valeur en l'espace de 2 ans. Calculez la valeur, calculez la valeur d'un studio vu sur mer à Marina Lagune. Compte tenu que le maire a touché 5%. Interrogation écrite, fermée, livrée, calibrée, cahier. Vous avez 10 minutes, je vous donne jusqu'au quart. sachant qu'une ménagère qui fait ses provisions transporte 6 litres d'huile chaque jour dans son chariot. Combien de litres d'huile seront stockés chez elle durant les élections, sachant qu'elle a moins d'huile que de sucre en morceaux. Sachant qu'un ouvrier qui travaille dans le métro met 100 francs de côté chaque mois chez le percepteur. Trouver ce qu'il lui reste, trouver ce qui lui reste, pour faire comme les copains et pour perdre au loto, on pourra tout arrondir au franc inférieur. Sachant qu'un camion vide pèse 4,5 tonnes, que Jean le camionneur est toujours en surcharge. Combien Jean fera-t-il, combien Jean fera-t-il d'aller-retour Toulouse Roubaix sans accident, étant donné que Jean est payé au voyage. Interrogation écrite, fermée, livrée, cahier, cahier. Si j'en vois un qui parle, je le colle pour samedi. Sachant qu'un pétrolier, malgré sa faible allure, ne peut pas manœuvrer lorsque ses cuves sont pleines. Combien de kilomètres de côtes seront polluées par les hydrocarbures? Quel est son pavillon et l'âge du capitaine? Sachant qu'une industrie exporte à l'étranger tantôt des lots de 100, tantôt des lots de 1000. Trouvez le nombre exact, trouvez le nombre exact de chars et de roquettes exportés chaque année. On ne tiendra pas compte des années bissextiles. Sachant qu'en 3 minutes une baignoire se remplit, mais que l'on n'utilise qu'un seul des robinets. Si l'on y plonge un corps, si l'on y plonge un corps, vu que tout corps plongé dans l'eau sera molli, dites quand le physicien finira par avouer. Interrogation écrite, fermée, livrée, cahier, que ceux qui ont fini me remettent leur copie. La la, la la, voilà. The first song by Céline Mastorelli is "T'oublies ou not t'oublies," and this, of course, is a play on words. So the French, of course, is "T'oublies or not t'oublies," meaning to forget or not to forget. But I mean, if you recite it very quickly, and then it becomes "to be or not to be." So, and basically, I mean, this is a song of they are asking where are you going? How am I going to find you? And she, of course, is kind of worried that he will forget her, and he's afraid that she will forget her. But and basically, to be or to be pas, to be or not to be. All right. The second one, however, is a song by Chanson Plus Bifluoré. It's a very funny name for a band, but this is a group that has been presenting comedy songs and has made people laugh for the last 25 years. So Bifluoré is, of course, is the water that has been where fluoride has been added twice to keep your teeth in shape. However, if you have too much, they turn brown. So the question is interrogation écrite, a written questionnaire. And what this written questionnaire is trying to do is to follow some guy who, I don't know, is either applying for some kind of a sick leave or whatever, and it goes to what he does the whole day. So he goes to the market, then he buys cauliflower, he buys artichokes, and he buys oil and sugar and sugar cubes. And then it goes on and on and on. So, and the way, of course, it is presented, I mean, if you just recite that he's buying carrots and potatoes, and I mean, that's kind of pretty pedestrian. But the way that this group, Chanson Plus Bifluoré, presents this, of course, the rhythm make it so that people laugh. Here's a couple of announcements. There are many wonderful films playing this week in French films or in English. Of course, the first one that you've all heard about is Les Misérables, better known as Les Mis by most Americans. It's playing at the St. Anthony Main and the Lagoon and many, many others. It's an adaptation of the stage musical based on the novel by Victor Hugo, set in 19th century French. It is in English. A great one also is on called Rust and Bone, Rue et Os. It's a new film by director Jacques Audiard. He was interviewed on Bonjour Minnesota by Olaf and me last summer or a year ago. Yes, at least, yes. And it stars Marion Cotillard, who played Edith Piaf in La Vie en Rose, and she was also in The Dark Knight Rises. She gives a tour de force performance that rivals anything she's ever done. The male love interest is Matthias Schoenaerts, who was, well, I think this is one you should see. It's a outstanding tour de force, as they say, for Marion Cotillard. Very curiously, I've been waiting for this film to come. Bienvenue chez les Ch'tis will be playing at Ritz Theater January 17th at 7 p.m. And afterwards, they're serving French desserts and coffee. This is the most popular film watched by more French than any film in their history. Bienvenue chez les Ch'tis. C-H-apostrophe-T-I-S. The tickets are available by contacting Ritz Box Office at 612-436-1129. General seating after 6:40 p.m., if available. Space is limited. All inquiries should be directed to Logan Park, N.A., at AOL.com, or call this number, 612-801-7834. That should be interesting. Yeah, and the Ch'tis, of course, is some kind of a film about they're making fun. Crazy family. Mm-hmm. No, and they make fun of a whole town, which the people are called the Ch'tis by the others. Yes, it's quite funny. You've seen it? A long time ago, yes. A long time ago. It's 9 o'clock. Il est 9h. 9h. Enfin, il est... 9h02. 9h02. Oui. Oh oui, pour être juste. Il faut toujours être exact. Exact. Oui. Et il faut vous dire que vous êtes à l'écoute de Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, et 106.7 FM, Saint-Paul, Radio Sans Frontières. So you are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis, and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. And this is Bonjour Minnesota, bringing you music in from France and French-speaking countries. And between quarter after and 9:30, we're expecting someone from the Dan Newton Cafe Band or Cafe Accordion Orchestra showing up. And we'll be hearing from their new album called La Zingra, The Gypsy. And there will be a pair of tickets will be given away. A pair of tickets for a caller. Yeah. Mm-hmm. And if you have any comments to make, you can call the studio, 612-341-0980. While the music is playing, not while we're talking. That's right. A couple of other announcements here from the Alliance. They're getting closer to their goal for their annual campaign. Start the new year with a gift to the Alliance Française. You can click online or you can call them. Their number is 612-332-0436. Winter session classes has started on January 7th, and five-week classes will start, tonight. French for Travelers. Oh, no, that starts Thursday the 10th. If you need a crash course in survival French, go to the Alliance. They'll also have classes called Les Rois et Reines de France. And Damien will speak of French royalty. Then there are review classes for every level to get back in shape with your French. On January 20th, 3 p.m., there is a Chopin recital with Jean Muller. And that is, of course, paying. It's at the Alliance Française Grande Salle at 3 p.m., Sunday, January 20th. Well, let's see here. I think that's about it. Let's get back to our music, huh? Absolutely. Oh, you have an announcer, should we play? No, let's have some music. I mean, Raphael. We've been talking too long enough, so let's get that. Vous allez écouter maintenant Raphaël avec Manager. Raphaël a réussi à jeter son image de beau gosse romantique qui sortait des tubes à l'envi. Et avec ce nouvel album, il donne un ton plus complexe et intéressant. Ça va être suivi par une chanson intéressante par Francis Cabrel, Je te veux. Alors, Francis Cabrel a eu l'idée de reprendre les chansons de Bob Dylan, mais en français. Alors, première question, est-ce que les chansons de Dylan supporteraient la traduction? Ce qui est poétique en anglais ne l'est pas forcément en français. Et deuxièmement, pourquoi Cabrel chanterait-il des chansons de Dylan au lieu de celles qu'il avait écrites lui-même? C'est simplement que cet album est un hommage à Bob Dylan, le chanteur préféré de Francis Cabrel. D'abord, Raphaël. J'ai pas peur, je t'envoie à mon manager. Fais gaffe à l'amour. Un week-end en solo, un charter pour l'amour. Ça sonne comme la mort, tu vois, vibre de là. Trop de blues dans nos combats, de loose, de dog, de rhum au fleuve épuisé. Un low cost pour l'enfer. Un pipeline traverse l'air. Sur les parkings, on attend comme des remords que le temps nous dévore. On attend. Fais gaffe à l'amour, ça te tombe dessus un jour sans que t'aies pu rien y faire. J'ai pas peur, je t'envoie à mon manager. Fais gaffe à l'amour. Un week-end en solo, un charter pour l'amour. Ça sonne comme la mort, tu vois, bebop, lula. Trop de blues dans nos combats, de loose, de dog, de rhum au fleuve épuisé. Un low cost pour l'enfer. Un low cost pour l'enfer. Un pipeline traverse l'air. Sur les parkings, on attend comme des remords que le temps nous dévore. On attend. Fais gaffe à l'amour, ça te tombe dessus un jour sans que t'aies pu rien y faire. Fossoyeur, cent fois coupable, aux joueurs d'orgue inconsolables, tous m'accablent et me crient, laisse-la fuir. Le vieux saxophone argenté vient à mes oreilles siffler, mais je n'étais pas né pour te voir partir. Je te veux, je te veux tellement fort. Le député sous tournant rond dans les rues de la procession où le sauveur lui-même dit on te réclame. Moi j'attends qu'on vienne m'empêcher de boire à ma tasse ébréchée qui n'éclaire que la moitié de mon âme. Je te veux, je te veux, je te veux tellement fort. Nos pères ont plutôt bien vécu sans se soucier de l'amour. Leur fille ne supporte plus que je l'ignore à mon tour. Et j'irai chez la dame de pique parler à la belle domestique. Il faudra que je lui explique pourquoi. Si j'apprécie tout ce qu'elle me donne, si elle me connaît mieux que personne, même quand mes forces m'abandonnent, même là je te veux. Je te veux tellement fort. Ton danseur, un habit chinois, je lui ai pris sa flûte des doigts. C'était sans doute maladroit, je l'avoue. J'ai fait ça parce qu'il a menti, parce qu'avant vous étiez sortis, parce que le temps joue pour lui, mais surtout parce que je te veux, je te veux, je te veux tellement fort, je te veux. Nos pères ont plutôt bien vécu sans se soucier de l'amour. Leur fille ne supporte plus que je l'ignore à mon tour. Du fossoyeur cent fois coupable, au joueur d'orgue inconsolable, tous m'accablent et me crient, laisse-la fuir. Oh, mais je te veux, je te veux, je te veux. Well, here we have Raphael, the singer, about manager. I don't have to translate that. But basically what he sings about, and it's kind of funny, he says, watch out, fais gaffe, watch out, beware. Beware watch out for the manager. And I don't know exactly what all of this is about, but he says, I'm not afraid. And then he talks about a parking lot where they, apparently he meets someone, but still, apparently the manager is not supposed to recognize this or to see this. So, of course, it's fake off, pay attention, see what the manager is doing so that he doesn't see you or something. The next one is more melodic and poetic. This is Francis Cabrel, and Je te veux, I want you. And this is this is a song by Bob Dylan and translated by Francis Cabrel. And what he took great care in trying to both get the lyricism and the words and the song in such a way that it is a believable translation. And, of course, that is often quite difficult with such, what would you call them? I mean, such poetic songs such as Dylan and actually Cabrel also did his own songs have come up with. And basically is he says, I want, je te veux, I want you so badly. And he then sings about how he drinks out of a chipped coffee cup and he worries about love and about her. and who thinks his forefathers, they didn't really worry about love. They just did what the Moors demanded of them. And it's not totally clear. I mean, later on come the grave diggers and say, just let her go. So maybe this object of his love is dead or in the grave. I mean, this kind of very mysterious. Anyway, he loved her so much, so badly, that he wants to see her again. Voici quelques annonces. Catalyst Politics and Culture, now on Fridays, 9 a.m., expanded to 1 hour. More arts and documentaries, new features, Fridays, 9 a.m. Issues local to global on Catalyst, Fridays, 9 a.m. on KFAI, 90.3 FM Minneapolis, 106.7 FM St. Paul, online at kfai.org. Wondering how you can stay on top of all the latest KFAI news? Follow us on Twitter at KFAI FM Radio for up-to-the-minute announcements. Facebook users can search for KFAI to find our fan page, where we post upcoming events, program guests, and promotions. And don't forget to subscribe to our videos at youtube.com/user/KFAI Radio. Greetings, Twin Cities. This is Linville Jackson, inviting you to join me every Saturday from 5 to 7 for Caribbean Jam. That's right, Caribbean Jam at a new time, 5 to 7, right here on Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis, and 106.7 FM St. Paul, online at kfai.org. See you on the radio. Nous attendons l'arrivée de notre invité. Je crois que ça va être Eric Moring, qui, après son travail au Loring Park Grill and Pasta. Loring Pasta Bar. Loring Pasta Bar. No, that's not too far away from non, here. Non, c'est tout près. Oui. Et donc, entre-temps, nous allons écouter Stéphane Eicher avec la chanson « Disparaître ». Il est suisse. Et c'est un album calme, mais qui est né d'une colère causée par la crise financière. Stéphane Eicher a composé cet album comme une antidote. J'ai licencié mon cœur, liquidé mes émotions, révoqué nos peurs, envoyer nos illusions, affranchir nos âmes, congédier mes sensations. L'aventure s'arrête ici. Merci de m'avoir toujours suivi. J'enlève mon tablier. Regarde le magasin, je n'ouvrirai sans doute pas demain. Tout doit disparaître, tout doit disparaître. Tout ce que j'étais, tout ce que j'aurais dû être. Tout doit disparaître, tout doit disparaître. Remercier mes frayeurs, révoquer mes vagues à l'âme, éponger toutes nos larmes, abandonner nos questions. J'ai embrassé les dettes et les délocalisations. L'écho de la bourse applaudit aux agences de notation, souris. Je fais la caisse, je descends le rideau de fer. Est-ce que c'est ici dû être. Tout doit disparaître. Tout doit disparaître. Tout doit disparaître. Tout doit disparaître. Avant la fin de l'été. Avant la liquidation. Tout doit disparaître. Well, while we are waiting for the orchestra Dan Newton's Café Accordion to come and talk about their new release, we heard Stefan Eicher singing Disparaître, to disappear. And he is, this is a song that he composed and sings as a sequel to, or rather as, because he got extremely angry when at the last financial crisis, and he said, he sings, I mean, our illusions will disappear, everything will disappear, and only the traders will kind of smile or smirk at each other. But they will have. You lose everything. I mean, everything disappears, and of course he makes. He alludes to the real estate bubble and all of the consequences it had that made the wealth for the middle class essentially go down the hole, rat hole. And it's Stéphane Eicher. There's another Frenchman, Stéphane Eicher, who at the age of 93 or so is still around and has written pamphlets about Indignez-vous, Get Upset, in which he pinpoints exactly all of the problems that are causing uncertainty and that are causing the little people to anguish. So anyway, this is clearly a reaction to the financial crisis and whatever brought it to us. Eh bien, maintenant on va écouter ce groupe canadien, Le Vent du Nord. Ils vont vous chanter d'abord Les Aimants du Saint-Laurent, suivi par Marguerite. Pierre-Joseph était un jeune marchand, n'avait seulement que 19 ans. Louise Cadet, fille du marchand boucher, a quant à elle 17 années. Québec 1754, amoureux pour ils sont tombés dans une veillée, leur chère Agathe. Québec 1754, amoureux fou, ils sont tombés dans une veillée, la chère Agathe. Se marier dans la jeunesse, les accusants. Jean le tuteur du bientôt jeune galant refusa son consentement. Ils eurent s'enfuir vers Montréal, éviter les charivaris, prendre un canot en pleine nuit. Ils eurent s'enfuir vers Montréal, éviter les charivaris, prendre un canot en pleine nuit. Reçu leur fugue et aussitôt en voyant les archers de la marée-chaussée, le Saint-Laurent, sa grève de Saint-Nicolas, les amoureux furent capturés dans les cachots de la capitale. Pierre accusé d'enlèvement s'enfuit de la prison royale. Thank you. 27 ans plus tard, par un beau lundi matin, trois petits coups sans prévenir. C'est votre amant qui à nouveau tend la main, ouvrez la porte du souvenir. J'ai parcouru bien des vallées pour revenir à l'endroit même où mes yeux vous avaient quitté. J'ai parcouru bien des vallées pour revenir à l'endroit même où mes yeux vous avaient quitté. J'ai parcouru bien des vallées pour revenir à l'endroit même où mes yeux vous avaient quitté. Écoutez l'aventure d'un pauvre villageois, moi qui de ma nature suis honnête et courtois. Un beau jour je promis à ma chère Claudine de la servir gratis le long d'une semaine. Le lundi pour lui plaire, pris la bêche en main. La matinée entière, je pêchis son jardin. Puis fut tout droitement m'asseoir au pied d'un chêne. Où d'un baiser charmant, elle me paye ma peine. Mardi, j'eus l'ordonnance de garder son troupeau. Elle eut la complaisance de venir sous l'ormio. Là, me sentant pressé d'une ardeur sans pareille, je lui rends le baiser qu'elle me donne la veille. Le mercredi d'ensuite, au bois elle me menit. Ma tâche fut réduite à lui chercher un nid. Là lui dis-je un oiseau d'un très rare plumage. Si vous le trouvez beau, boutez-le vite en cage. Jeudi je nous joignîmes dès le soleil levé. À la grange j'allîme pour y battre le blé. Je vaquions tour à tour avec le même zèle. Cependant qu'au retour, j'étais bien plus loquel. Vendredi l'affûté me présentant le bec, me dit tout attristé, mon moulin est à sec. À ce travail nouveau, il fallut me résoudre. J'y fis venir tant d'eau qu'il fut aisé d'y moudre. Du matin jusqu'au soir, j'allais d'un grand courage fouler à son pressoir. Quoique ce mouvement me mit presque hors d'haleine, je foulis tant et tant que la cuve en fut pleine. Dimanche la bergère me dit, mon doux ami, n'avons-nous rien à faire, nanny, pour aujourd'hui. 6 jours sans relâcher, j'ai servi ce que j'aime. Je veux me reposer. tout au moins le septième. So you heard the Vent du Nord and Les Amants du Saint-Laurent, which is a story about two young kids who weren't wanted to get married and they weren't allowed to. Then they took off, fled, but were captured by the police and brought back. And 7 years he sat in prison. But then at the end of that time, he comes back and knocks three times on the door of his sweetheart and says, I'm back. And the other one, actually, you didn't hear, Marguerite, you heard La Semaine du Paysan, which simply shows how hard a life the farmers out there had to live. And now our guest, as promised, Eric Mooring, one of the musicians, singer, vocalist, and mandolin player, figure fiddler. What else? And fiddle too, violin, yep. Violon. Violon. Le violon. Violon. Et qui parle français. Oui, un peu, oui. Vous voulez parler français ou anglais? C'est votre choix. Un et l'autre. De l'un et l'autre. De l'un et l'autre, c'est pour moitié, nos audiences qui ne sont pas aussi forts en français que, oui. que toi, comme ça. Bon, qu'est-ce que c'est le nouvel album? C'est le nouvel disque de notre groupe, Café Accordion Orchestra, Dan Newton's Café Accordion Orchestra. Et c'est notre neuvième. Je pense, neuvième CD. Mm-hmm. Et ça s'appelle La Zingara. C'est sort of a gypsy theme. Mm-hmm. A number of French songs and some just sort of all around world music from various countries, such as France, Texas, and other places. So, La Zingara is the name of the CD. We'll be releasing it. We have a CD release, which is, of course, we're promoting heavily. It's on Saturday. It's at the Cedar Cultural Center. And so... 7 o'clock, is it? Yeah. Well, 8. 8 o'clock, but get there early, so... But, yeah, because they're different. The Alliance Française... The Alliance Française will be serving some... un gâteau ou quelque chose? Galette de bois. Yeah. Ok. Oui, il faut manger ça. Moi, je veux manger un petit peu ça. It's a waltz. It's nice that the group always has, whether it's a waltz or swing or whatever. Yeah. Kind of made for dancing? Well, we're a dance band, I guess, in the old style. I mean, the model for this group was the French Musette Orchestra, you know, from the... I don't know, 20s through the 50s or 60s, and that's how the group started. I don't know, almost 20 years ago now we started. We started with playing a lot of French musettes, and we still play a large dose of the French musette. Yes, style. Thank God they are. But weren't you also gave lessons? I mean, I remember you had programs in which. You introduced or you taught people to dance the Java or something. We've done various things. And then later on, I mean, then it became, general floor opening and everyone could dance. Yes. We've tried just about everything over the last two decades. Oh, who of taught that? That was no, it was difficult it was dance to do. Very nice. Yeah. So anyway, do you want to play one a tune from the new CD? It's we're going to it's, be giving away seats a pair of tickets for the live concert on the 12th. That's this Saturday at the Cedar Cultural Center, but wait until we tell you. Okay. Voilà, La Don't call now. Huh? Okay, so the first tune is La Zingara, comes from Jo Privat, who is a great French accordion player from the mm-hmm. from the Le Jour. And Dans le passé, oui. Ça s'appelle La Zingara. Ah. Oh, he had a French accordion player who actually used the Italian name, or yeah, yeah. I mean, the there's a lot of history, but it's a lot of very cross-cultural history because the accordion was was an Italian instrument, but then the musette came from the Auvergne region, where they played something called a cornemuse, which was this an oboe sort of a thing, mm-hmm. double reed. But then that got replaced by the accordion, and so there was this. And then Paris was this from the 20s on was this huge melting pot. You know, so there was these gypsies, and then Italians came in there, and brought the accordions, and then American jazz started. They started listening to that, and it all got mixed up into this beautiful, stuff, which was just magic. You know, it's like when these different cultural things meet up, and anyway, you'll hear. Let's hear that one. Yeah, La Zingara. Thank you. was La Zingara from our CD La Zingara of the Cafe Accordion Orchestra. Very good. And we have asked you, I mean, so you appear, I mean, the band appears at the Loring Pasta Bar on Tuesdays from 6 to 9. That's right. We've been doing that for a while now. For a while. And now the question is, so that's where you can find them and see them. But then the other question is, do you appear at, in some other venues or some other... Nothing regular, yeah. But we are promoting, we're trying to promote our the CD release concert for this CD, which will be happening on Saturday over at the Cedar Cultural Center. We do about one concert a year at the Cedar Cultural Center, usually in January, and it's usually some we have guests, and the concert on Saturday at the Cedar will be featuring all the stuff from this CD, and it will have Diane Jarvie will be singing. She sings she's sung on a number of our CDs. She's a great Edith Piaf. Uh-huh. You know, she sings great Piaf stuff. But then in this, she's singing something in Portuguese, but it's also singing a tune called The Boulevard of Broken Dreams, which is kind of a torch song in English, but it's about Paris and stuff. Maybe we should listen to that one, do you think? Well, let's do that. That's number nine. Let me just give the website. There is the website, of course, www.cafeaccordion.com. So if you want to have more information about what's going on and where they may be playing or who is playing, you can access that site, again, cafeaccordion.com. Yeah. And also, all your social media sites were on there, too, Facebook and stuff. Oh, you know, are? So, yeah. Okay. Well, here's Diane Jarvie singing Boulevard of Broken Dreams. Right. Number nine. Oh, Gay Paris. Look what you've done to me. I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered schemes. And gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you always find me, always walking up and down, but I left my soul behind. Joy that you find here, you borrow. You cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken castle behind me. In that old cathedral town, the joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. A gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams. I walk along the street of sorrow. Okay, that was Boulevard of Broken Dreams, and I don't have to translate it because it was in English. So, but it's outstanding, a very outstanding performance. Diane did a great job on that. Diane Jarvi, yes. She's a nice singer. She's great. Yep. Well, she'll be singing with us on Saturday night over at the, and she appears on two songs on the new CD. She does one in Portuguese, Na Canção de Cada Medida. I'm like, I don't speak any Portuguese, and then she does Boulevard of Broken Dreams. So, very good. Yeah, well, we're going to do that giveaway right now. Yes, right. I mean, otherwise we'll end up. We won't have time here. So we're going to take the third caller. Third caller, caller number three. Tickets to the Cedar Cultural Center this Saturday. And the phone number is 612-341-0980. All right. And while we're doing that, we'll be listening to a Sidney Bechet tune from the CD called Si Tu Vois Ma Mère, right? Yep. Mm-hmm. And Eric is going to answer the phone. I'll give it to the third caller. You'll have to reach over there, but then they get the personal service. I'm going to play the CD. That was Si tu vois ma mère. Si tu vois ma mère. Ma mère, yes. And actually, I mean, it was, yes. And if you hadn't said this is from the album La Zingara, I would have said this is Sidney Bechet. Mm-hmm. No, I mean, great clarinetist. Yes. Now, Tony Bailiff, he'll be playing with us on Saturday. He's just a wonderful musician. He plays with a group called the Southside Aces. They play New Orleans, you know, traditional jazz. All right. And but he's just great on the Sidney Bechet stuff. And because if it was Sidney Bechet, it would be a soprano sax. But we'll take the clarinet. That's good. We have a winner. That's right. Congratulations to Tony Gazzetti, who will be taking a pair of tickets and. To the Cafe Gordon Orchestra show on Saturday, July. What month is it? It's January, is it not? Okay, remember, it's wishful thinking. we have mid-January thaw, so this may make them think. I hope everyone July. That's listening can come and to the Cedar Culture Center this Saturday, the 12th. Hmm? Yes. Yes, Saturday, January 12th. Doors at 7 p.m. Show at 8 p.m. 7, and I'd come early so you can get a good seat. Yeah. It's open seating. And if you can't make it, the Cafe Cordon is playing every Tuesday night at the place called the Loring Pasta Bar, which is in Dinkytown. It used to be Gray's Drugs years ago. Some of you old-timers like myself might remember Gray's Drugs, where, as university students, we purchased all manner of toothpaste and other things, and now it's a swanky... Kind of. Well, it's not swanky. It's just kind of a nice little. It's a nice sort of a place. It has kept the spirit of the old Loring bar. So this Saturday we'll be launching a brand new CD called La Zingara. That's right. The Gypsy Lady, with Dan Newton and the Cafe Accordion Orchestra, and our guest tonight is Eric Moring, who is the mandolin. French vocal and the fiddle or violin? Yes. Yeah. Well, either one works for me. All right. Same and instrument. Also, a sometime host on Louisiana Rhythms. That's right. I do the Louisiana. Well, I'm one of four hosts of the Louisiana Rhythm Show here on KFAI. What time? On Friday. That's Friday from 2 to 4. If you like Cajun, you know, Louisiana French, another angle on French culture is, of course, the. North American French, and that show features the Southwest music from Southwest Louisiana, so Cajun, Zydeco, and a unique hybrid that they call Swamp Pop, which is very cool. We've got time for just about one more. You said you liked what, Rythme Gitan? Yeah, Rhythm Gitan. That's the other sort of French song on there. It's from another Joe Privat number, and I believe it's. Number 9, right? No. No, it's 11, I believe. Anyway, this comes from the hot club tradition, and Rhythm Gitan means gypsy rhythms. Number 11, yes. Thank you. Au revoir et merci, Eric. Yeah. Merci. Merci pour bien. La chance de jouer un peu de musique et à samedi soir. À samedi soir, oui. Samedi soir, oui. J'espère que tout le monde va être là. C'est une occasion extraordinaire. Et on vous voit. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Karine. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 FM in St. Paul, and on the web at kfai.org, radio without boundaries.